بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous et qui a créé ceux qui étaient avant vous. Peut-être atteindriez-vous la piété. Ya ayyuhan nas lil'umum, li'umum innas. Ici, il s'agit de tous les gens. Sachant que cette sourate, elle est médinoise. Et que, en général, les sourates médinoises s'adressent aux croyants. Mais ici, Allah Jalla wa'ala qal, ya ayyuhan nas. Or ici, Nida, c'est-à-dire l'appel qui a été fait dans ce verset-là, c'est l'appel à, aux gens. Ya ayyuhan nas. Alors que les sourates médinoises ont la particularité, en général, de, d'être un appel aux, aux croyants. Wallahu a'lam bima arada fi kitabihi. Et Allah est plus savant pour ce qu'il a voulu dans son livre. ولو قال قائل si quelqu'un il dit peut-être que ce verset aimait quoi mais qu'il se trouve dans une sourate médinoise. Étant donné que les sourates médinoises ont la particularité en général de s'adresser à des croyants mais qu'ici c'est ya ayyuhan nas, ici ça s'adresse aux gens. Si quelqu'un vient il dit peut-être que ce verset là c'est un verset mais quoi ? Dans une sourate médinoise. وقال الشيخ أن الأصل عدم ذلك. La base, c'est que c'est impossible. La base, c'est qu'il n'y a pas ce genre de choses. On ne peut pas rentrer un verset mais quoi dans une sourate médinoise. أو العكس. Ou bien dire qu'il y a une, il y a un verset médinois dans une sourate mécoise. Donc cela n'est pas possible. Illa bid dalil sahih sarih, sauf s'il y a un dalil là-dessus. Ça veut dire que là, il va falloir le prouver. Or, la base, elle veut qu'une sourate médinoise, elle est médinoise. Il ne peut pas y avoir un verset qui soit mécois dans une sourate médinoise. La base, elle veut qu'une sourate elle soit mécoise et qu'il ne peut pas y avoir un verset médinois dans une sourate mécoise. Illa bid dalil. Celui qui dit le contraire, il faut qu'il ramène ad-dalil, qu'il ramène une preuve. Pourquoi ? Parce que les bases, on les a. Et ce qui va contredire cette base-là, il va falloir ramener Ad-Dalil. Donc la base veut que une sourate al-Madiniya, qu'une sourate médinoise, Jami' ayatuha Madiniya, veut que tous les versets qui sont dans cette sourate médinoise soient médinois. Et que dans une sourate mécoise, tous les versets que comporte cette sourate mécoise, tous les versets sont mécois. Tayyib. قال الله عز وجل عبدوا ربكم. Adorez votre Seigneur, c'est-à-dire soyez sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites ce qu'Allah عز وجل a ordonné et éloignez-vous de ce qu'Allah جل وعلا a interdit, en vous soumettant totalement en pleine humilité envers Allah tabaraka wa ta'ala. بالتعظيم والمحبة. بالتعظيم والمحبة. En rendant la grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala et المحبة. Avec amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ar-Rabb huwa al-Khaliq wal-Malik wal-Mudabbir. Ma'na Rabb, u'budu Rabbakum. Ma ma'na Rabb? Huwa al-Khaliq wal-Malik wal-Mudabbir. Il est le créateur subhanahu wa ta'ala. Il est roi Malik fi mulkihi. Il est roi dans son royaume subhanahu wa ta'ala. Et il gère ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqakum. Il est celui qui vous a créé, c'est-à-dire celui qui vous a fait passer de l'inexistence, min al-adam ila al-wujud, de l'inexistence à l'existence. Celui qui vous a fait passer de l'inexistence, d'un état d'inexistence, à un état d'existence. Donc, Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, qui est le roi, qui est votre roi, et qui gère son royaume, qui a la gérance de son royaume. Donc celui qui vous a fait passer de l'inexistence à l'existence. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَحْتُوفَ عَلَى الْكَافِ فِي قُلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى خَلَقَكُمْ خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني سائر الأمام الماضية. Celui qui vous a créé, vous, ceux qui a créé, ceux qui étaient avant vous. Il s'agit des communautés d'avant. Il s'agit des communautés d'avant. طيب الذي خلقكم le fait qu'Allah عز وجل a dit الذي خلقكم والذين من قبلكم لأنه ليس لنا ربان لكن رب سبحانه وتعالى le fait qu'Allah عز وجل a dit celui qui vous a créé vous Et celui qui a créé ce qui était avant vous. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Hada yakfi. Est-ce qu'il aurait été pas suffisant de dire la parole d'Allah, ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Khalas. Or, il y a une sagesse sur Allah Azza wa Jalla a mentionné walladhina min qablikum. Vous a créé vous et ceux qui étaient avant vous. Elle est où la sagesse qu'Allah Azza wa Jalla a mentionnée et ceux qui étaient avant vous. C'est tout simplement pour confirmer qu'on n'a pas deux seigneurs, mais qu'on n'en a qu'un. Celui qui nous a créés, c'est le même qui a créé ceux qui étaient avant nous. Et non pas un qui nous a créés nous et un qui a créé ceux qui étaient avant nous. Donc ici, Allah Jalla wa Ala a voulu prouver et accentuer sur sa création le fait qu'il n'y a qu'un seul seigneur. Al-Khaliq, il n'y en a qu'un. Un créateur, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux ou trois ou quatre ou cinq. C'est le même qui nous a créé nous, comme c'est le même qui a créé ceux qui étaient avant nous. La'allakum tattaqoun. Peut-être atteindrez-vous la piété. Wa li hadha qala Allahu jalla wa ala fil jannah u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allahu jalla wa ala inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Wa qala Allahu jalla wa ala wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Un paradis préparé pour les pieux, les muttaqin. Et Allah Azza wa Jalla est avec ceux qui craignent. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi, et sachez qu'Allah est avec les pieux. Taïb. Al-Fawa'id. Amar Allah Azza wa Jalla al-ibada. Wa qal, ya ayyuhan nas. اعبدوا ربكم le fait qu'Allah جل وعلا ait mentionné تعميم النداء لجميع الناس مما يدل على أن العبادة أهم شيء أهم شيء بل إن الناس ما خلقوا إلا للعبادة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait mentionné Nida, c'est-à-dire cet appel يَا أَيُّهَا النَّاسِ Ô vous les gens Donc c'est un appel général à tout le monde. C'est la preuve que la chose la plus importante pour les gens, c'est الْعِبَادَ C'est l'adoration. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala a créé les djinns et les hommes. Il ne les a pas créés pour autre chose. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. هذا الدليل على التوحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا في ربوبيته سبحانه وتعالى وفي ألوهياته سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم Adorez votre Seigneur parce que le fait de reconnaître Allah عز وجل comme Seigneur L'insan, une fois qu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla est son Seigneur, cela doit le pousser à l'ibada. Il se rend compte que le seul digne d'être adoré, c'est bien celui qui est Rabb, c'est-à-dire Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il s'aperçoit que le seul digne d'être adoré, c'est celui qui l'a créé, celui qui est roi dans son royaume et celui qui gère son royaume comme il le veut, quand il le veut, de la manière qu'il le veut. وجوب عبادة الله جل وعلا وحده وهي التي خلق لها الجن والإنس العبادة. L'obligation d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul, et c'est pour ça, et c'est le but de la création. Allah jalla wa'ala n'a pas créé les djinns et les hommes pour qu'ils restent, qu'ils errent sur terre sans aucun but, comme certains le font. Hein? Ils errent sur terre comme des animaux. Un animal, tu le vois, il est comme ça. Tu regardes la vache, par exemple, elle est comme ça, elle broute, elle s'assoit, elle dort, elle mange. Ikhlas. N'a pas un but précis. Bien sûr, il y a une hikmah à sa création. Hein? Mais l'insan, alors qu'un animal n'a pas l'aql, n'a pas la raison. Alors que l'insan, il a la raison. Et il a un but bien précis pour sa création. C'est d'adorer Allah, Jalla wa'ala. D'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb, Ubudu Rabbakum, lorsque l'insan, il entend ce verset, Ubudu Rabbakum, adorez votre Seigneur, sa raison doit le pousser à adorer Allah Azza wa Jal. Oui, mais par Bishari'a. Hein, c'est-à-dire, le fait que tu reconnaisses Allah Azza wa Jal comme Seigneur et qu'Allah Azza wa Jal t'ordonne de l'adorer, donc automatiquement ta raison doit te pousser à te dire, je dois adorer mon Seigneur parce qu'Allah, parce que mon Seigneur m'a révélé. Et non pas d'un autre, d'une autre révélation. La révélation, il n'y en a qu'une, venant d'Allah, Jalla wa'ala. Toute autre révélation que la révélation d'Allah, c'est la révélation des shayatin, des diables. Donc l'insan, une fois qu'il reconnaît Allah Azzawajal comme étant Rabb al-Alamin, wa Rabbuhu, son Seigneur, automatiquement, il adore Allah Azzawajal, il va adorer son Seigneur, mais sa raison, elle lui dit quoi ? D'adorer son Seigneur par la révélation que son Seigneur a révélé sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ومن الفوائد إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق وحده وأنه خالق الأولين والآخرين. يقول الله عز وجل الذي خلقكم والذين من قبلكم. Les premiers comme les derniers. Que le créateur, il n'y en a qu'un. Celui qui a créé les premiers et celui qui a créé les derniers, c'est le même créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est ce qui est mentionné dans le verset. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah vous a créé vous et ceux qui étaient avant vous. طيب. ومن الفوائد التحذير من البدع. L'avertissement contre l'innovation. ولا نعبد الله جل وعلا إلا عن طريق الوحي والشرع. Il y a ici un avertissement contre l'innovation dans la parole d'Allah. اعبدوا ربكم. Adorez votre Seigneur. Comment on va adorer notre Seigneur si ce n'est que par la législation qu'Allah Azzawajal a révélée, c'est-à-dire le kitab wa sunnah. Donc que par le chemin de la révélation, et non pas un autre chemin. Donc lorsqu'Allah Azzawajal mentionne « Ubudu Rabbakum »« Adorez votre Seigneur », oui, adorez votre Seigneur, mais adorez-le « Bishari'atillahi Azzawajal » et non pas « Bilbidah » par l'innovation, mais adorez-le par la législation qu'Allah Azzawajal a légiférée. ومن الفوائد طلب العلم كقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة بقوله باب العلم قبل القول والأعمال. Comme la raison elle t'a poussé à adorer Allah عز وجل par la charia, alors cette charia t'es obligé d'apprendre. Donc la raison elle te pousse aussi à, pour pouvoir, une fois que tu as reçu l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu reçois l'ordre d'apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الدليل على ان طالبة العلم, ça c'est la preuve que étudier la science religieuse c'est obligatoire, c'est wajib pour tout musulman ou musulmane. طيب قال الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون verset 22 قرآن C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Allah Jalla wa'ala alladhi ja'ala lakum al-ard firasha. Ici Allah Jalla wa'ala va parler de sa propre création. Allah Azzawajal a mentionné la terre comme étant un lit, firash. Pourquoi ? Parce qu'on vit sur cette terre. Allah Azzawajal ne nous a pas créé pour vivre dans l'eau. L'être humain ne l'a pas créé pour qu'il vive dans l'eau ou qu'il vive dans les cieux. Hein ? Chaque créature a une place bien précise. Nous, c'est l'ard, c'est la terre. Le fait qu'Allah Azzawajal a mentionné الذي جعل لكم الأرض فراشا il a fait de la terre et vous en a fait un lit ça veut dire que la place de l'être humain elle est sur terre et elle n'est pas ailleurs c'est pour ça que certains savants ils mentionnent que l'insan jamais il ne vivra ailleurs que sur terre parce qu'Allah Jalla wa'ala a mentionné dans son Coran et le Coran hatta taqum as-sa'a et le Coran est valable jusqu'à la fin des temps c'est-à-dire il a mentionné dans le Coran que la place de l'homme c'est sur terre, et que c'est pas ailleurs. Donc il vivra que sur terre. Ni sur... Pas ailleurs, que sur terre. Voilà fils Sama, et non pas dans les cieux, ou plus haut. Il l'a fait l'akhira, sauf dans l'au-delà, où il vivra au paradis. Ou bien, fin nar wa li'adhu billah. Wassama bina'a قال الله عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادا السماء الله عز وجل a créé des cieux comme des piliers des cieux وانزل من السماء ماء وليست في هي السماء الاولى comme on a vu dans le verset précédent avec les hypocrites, quand il a parlé qu'il fait descendre une forte pluie du ciel, laïset samal oula, c'est pas, il s'agit pas du premier ciel, mais il s'agit sama ad-dunya, c'est-à-dire du ciel que nous on perçoit, le ciel qui est juste au-dessus de notre tête. La preuve, c'est qu'Allah Jalla wa'ala fait descendre la pluie, hein, il fait descendre la pluie, comme on a dit, cela est formé par des nuages qui se trouvent dans bayna as-sama wa al-ard. Entre Bayna Sama al-Awwal, l'Oula, c'est-à-dire dans le premier ciel, entre le premier ciel et la terre, et non pas Sama al-Oula. C'est pas il ne s'agit pas du premier ciel, il s'agit de Sama ad-Dunya. Il faut bien faire cette distinction entre ces deux ciels-là. Taïb. Was-Sahab, donc les nuages, Bayna Sama wal-Ard, ils se trouvent entre les cieux et la terre, c'est-à-dire entre le premier ciel. Et la terre. طيب. Donc le premier sens que l'on trouve, le premier sens que l'on trouve ici, al-ma'na al-oula, al-awwal, al-banahu alladhi fawqana, ils sont ces cieux-là, ils sont créés au-dessus de nous. Wal-ma'na al-thani al-ulu, ils sont élevés. Ils sont élevés. Ils sont comme des piliers au-dessus de nous, mais ils sont élevés. Fa akhraj bihi, yani bi sababihi, et de cette cause-là, minas thamarat, de la cause que l'eau est tombée du ciel, Allah Azza wa Jalla fa akhraja bihi, il fait sortir des fruits. Rizqan lakum. Et ces fruits-là sont une subsistance pour vous. Fala taj'alu, et ne donnez pas lillahi andada d'égal à Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum ta'lamun. Alors que vous savez quoi? Que c'est Allah Azzawajal qui donne, qui crée, qui donne la subsistance et qui fait descendre cette pluie. وما أشبه ذلك من معاني الربوبية. Et le fait qu'Allah عز وجل a dit وأنتم تعلمون, alors que vous savez tout cela, c'est bien la preuve que المشركون, les associateurs Allah جل وعلا au temps du prophète Sassam Quraysh, savaient qu'Allah عز وجل est bien le créateur. Ils savaient que c'est Allah عز وجل qui fait descendre la pluie. Il savait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sortir les fruits. Wa antum ta'lamun, puisqu'Allah azza wa jalla a confirmé en disant, alors que vous, vous savez tout cela. Donc, at-tawhid ar-rububiyya, ma farq bayna al-mushrikin wa al-muslimin. Dans at-tawhid ar-rububiyya, il n'y a aucune différence entre les associateurs, ahlul kitab, al-yahud wa al-nasara, et les musulmans. La divergence entre les musulmans, le différence entre les musulmans et les musulmans dans le tawhid al-uluhiyya. Et le khilaf dans le tawhid al-asma et les sifat entre les musulmans, entre les ahl sunnah et les ahl al-bidah. Donc dans le tawhid al-rububiyya, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre les gens du livre et les associateurs qui associent Allah Jalla wa'ala et les musulmans. Parce que tous sont d'accord pour dire, ils sont unanimes pour dire que celui qui crée, c'est Allah. Tu demandes un juif ou un chrétien, c'est qui a créé tout ça, il va te dire c'est Dieu. Pas de différence là-dessus. Allah Azza wa Jalla mentionne dans le Coran, si tu demandes, yani ashab Quraysh, les associateurs de Quraysh, tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc il n'y a pas de divergence là-dessus. La divergence, elle est dans le tawhid al-uluhiyya, dans la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la divergence dans le tawhid al-asma wa sifat, elle est bayna al-muslimin, entre musulmans, c'est-à-dire entre les gens de la sunna, bayna ahl-sunna wa ahl-ul-bidah, et les gens de l'innovation. Min al-fawa'id, qu'est-ce qu'on retire de tout cela? Bayanu rahmatillahi jalla wa ala. Ici, on a la preuve de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers sa création. C'est qu'il lui a créé la terre comme étant un lit sur lequel il peut vivre. L'homme peut vivre tranquillement sur cette terre. Allah Jalla wa'ala aurait pu faire de cette terre quelque chose de désagréable, sur laquelle on n'aurait pas l'équilibre, par exemple. Et c'est ça le rôle de la création d'Allah Jalla wa'ala, comme les montagnes. Allah Azza wa Jalla a créé les montagnes. Wal-jibala awtada, les montagnes comme des pieux. Dans le tafsir de Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, il mentionne comme des pieux afin d'équilibrer la terre. Afin d'équilibrer la terre. Là, on est assis tranquillement, la terre, elle ne bouge pas. Hein? On peut marcher tranquillement, on peut s'asseoir tranquillement, on peut s'allonger tranquillement. Ça, c'est une rahma d'Allah Jalla wa'ala. Allah Azza wa Jalla aurait pu faire une terre sur laquelle on lutte pour marcher, on lutte pour s'asseoir, on lutte pour dormir. Non, alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala. Sauf quand il châtie, il fait trembler la terre. Hada min Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la preuve aussi que Allah Azza wa Jalla a établi des cieux. Des cieux comme étant des piliers et des cieux plus grands que la terre. Des cieux plus grands que la terre. Pourquoi est-ce que les cieux englobent la terre ? وبيان من الفوائد بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء وأنزل من السماء ماء. Là, on a la preuve de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire descendre la pluie du ciel. Ça prouve la puissance d'Allah. Parce que jamais personne n'a réussi à faire tomber la pluie du ciel. Illa Allah Jalla wa Ala. Jamais les koufars ont réussi à faire tomber la pluie du ciel. Hein? Parmi leurs projets, il y avait le fait de faire tomber la pluie du ciel là où ils le voulaient eux, à tel endroit ou à tel endroit, pour les cultures. Chose qu'ils n'ont jamais réussi, et chose que seul Allah Azza wa Jalla peut faire. Seul Allah Tabaraka wa Ta'ala décide où la pluie elle tombe. Et seul Allah Azza wa Jalla fait tomber cette pluie. Jamais quelqu'un n'a décidé où est-ce qu'il va pleuvoir, s'il va pleuvoir à tel endroit, ou à tel endroit, ou à tel endroit. Les gens veulent qu'il pleuve, oui, mais seul Allah Azza wa Jalla décide quand est-ce qu'il pleut et où il pleut. Et avec tous les moyens technologiques qu'ils ont, ils n'ont jamais réussi à faire tomber la pluie à l'endroit où ils voulaient. Et ils n'ont jamais pu faire tomber la pluie. Ça prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa création. Seul Allah azza wa jalla est capable de faire tomber la pluie. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné lui-même. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Il est celui qui a fait descendre cette pluie du ciel subhanahu wa ta'ala. Wa min al-fawa'id. Il y a là, encore une fois, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'insan, il doit réfléchir sur la création d'Allah. Nous, on voit qu'il pleut, et alors on ne réfléchit pas trop là-dessus. À part ce que l'on connaît de la sunna, de mouiller un membre du corps quand il pleut. Mais en dehors de ça, est-ce qu'on réfléchit sur cette pluie, quand on la regarde, hein? On dit toujours la même chose, le déluge. C'est le déluge dehors. Si tu regardes bien, regarde la miséricorde d'Allah, c'est qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas fait tomber cette pluie d'un coup. Elle tombe goutte par goutte, même si ça tombe rapidement, elle tombe goutte par goutte. Imagine qu'Allah Jalla wa Ala, cette quantité d'eau qui est tombée goutte par goutte, il te l'a fait tomber d'un seul coup. Hada al-adab. On serait mort. Des litres et des litres et des je sais pas combien, milliards de litres ou millions de litres, comme tu veux, qui tombent d'un coup sur toi. Tu serais brisé, tu serais en comme de la paille mâchée. Hadith rahma min Allah Jalla wa Ala. Donc même dans la manière de faire descendre cette pluie, et elle descend goutte par goutte, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah tabaraka ta'ala, il aurait pu la faire descendre d'un coup. Mais là, on serait anéanti. Donc c'est bien là une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que tu vois l'ulama, les savants, comment ils méditent sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'ils voient dans la manière même comment Allah il a fait descendre cette pluie, même dans cette manière-là, il y a une miséricorde pour nous. C'est qu'il n'a pas fait descendre d'un seul coup. Tout d'un seul coup. Sinon, on serait mort. Taïb. ومن الفوائد إثبات الأسباب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Encore une fois ici, Allah Azza wa Jal nous montre qu'il faut faire quoi? Les causes. فأخرج به بإيش؟ بالماء. Il fait sortir par cela, par l'eau qui est descendue du ciel, il fait sortir des fruits. Donc Allah Azza wa Jal n'est-il pas capable de faire sortir des fruits directement sans l'eau? Bien sûr qu'il en est capable. Mais il nous montre ici qu'il faut faire les causes. Il nous montre ici qu'il faut faire l'asbab, qu'il faut faire les causes. C'est qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas fait pousser les fruits d'un coup, alors qu'il en est capable. C'est qu'il nous montre ici, et c'est là encore une fois que tu vois comment tu cogites sur tu médites sur la création d'Allah, c'est que lorsque tu vois l'eau tomber, tu te dis, tiens, l'eau elle est tombée, elle a pénétré la terre et des fruits en sont sortis. Ça veut dire qu'il faut faire une cause pour avoir mon risque. Pour avoir ma subsistance, il faut faire les causes. Il ne s'agit pas de rester comme ça chez toi, de dormir et de ne rien faire, et d'attendre que la subsistance vienne à ta porte. Là, tu n'auras rien du tout si tu fais ça. Tu auras que si tu fais des causes. Il faut faire l'asbab. Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui-même, dans sa propre création, il t'a montré qu'il faut faire des causes. C'est qu'il a fait tomber la pluie pour faire pousser les fruits. Il n'a pas fait pousser les fruits sans que la pluie, elle tombe. Subhanallah. Donc il y a celui qui est doué de raison et celui qui n'est pas doué de raison. Tu peux le mettre devant la pluie toute la journée. Il ne va même pas trouver une faïda. à part si ce n'est que la pluie, elle mouille. Naqs fil aql, c'est tout ce qu'il va trouver. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr que non. Comme le vivant n'est pas semblable au mort, comme celui qui voit n'est pas semblable à l'aveugle. Il a khiri. فأخرج به من الفوائد parmi les bienfaits de ce verset, c'est que les causes ne peuvent avoir une trace إلا بإرادة الله جل وعلا. فأخرج به. Les causes ne peuvent avoir un effet que si Allah le veut. فأخرج به. Lorsqu'Allah عز وجل a dit, il a fait sortir de cette eau, il a fait sortir des fruits de la terre, ça montre bien que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces fruits sortent de la terre. Donc il se peut que tu fasses des causes pour atteindre quelque chose, mais tu n'auras les conséquences des causes que tu as faites, tu ne les auras que si Allah a voulu. Mais toi, ce qui t'est demandé, c'est de faire la cause. Mais si tu veux une chose, Allah a décidé que tu ne l'auras pas, malgré que tu as demandé de faire les causes. C'est pour ça qu'on doit faire salat al-istikhara, la prière de consultation. Tu fais la prière de consultation, tu demandes consultation auprès des gens pieux sur le sujet qui t'intéresse, puis tu fais la cause, et si Allah ne te le donne pas, il te donnera meilleur que ce que tu as voulu. Parce qu'Allah sait ce qui est bien pour toi, et ta religion est dans l'au-delà, et il sait ce qui est un mal pour toi, et ta religion est pour ton au-delà, ta situation dans l'au-delà. Donc la cause, tu dois la faire. La cause, tu dois la faire. Mais seul Allah Azza wa Jalla décide du résultat. Ce qui montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comment Allah Azza wa Jalla fait revivre une terre morte. Subhanallah, une terre, elle est morte. Il n'y a rien dessus. Une terre morte. La terre est caillée, là, on voit, il n'y a rien. Il n'y a pas aride, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Il n'y a même pas un brin d'herbe. Allah, Al-Jalla wa'ala, il fait descendre la pluie et une végétation y pousse, ainsi que des fruits, ou des arbres, ou autres. Ça, c'est la preuve que sur terre, Allah, tabaraka wa ta'ala, il te montre comment il va faire revivre la mort, après la mort. Allah, Al-Jalla wa'ala, il a fait en sorte qu'on soit enterré, nous, sur terre. Et pourtant, Yom al-Qiyama, on ressortira. On ressortira d'où? De la terre. Celui qui l'a fait sur terre, n'est-il pas capable de le faire dans l'au-delà? Subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous a montré. Donc, c'est demander aux croyants de réfléchir à la résurrection, lorsqu'ils voient ce genre de choses dans la création d'Allah. Lorsqu'ils voient comment Allah Azza wa Jalla a fait descendre la pluie, et qui est d'une terre morte, il l'a fait revivre, qu'il réfléchisse à sa propre résurrection, c'est-à-dire Yom al-Qiyam. Quand on dit de réfléchir sur et de méditer sur la création d'Allah, lorsqu'Allah Azza te ramène des versets comme ça, c'est pas fait. Le Coran, c'est pas une maw'iza sans plus. C'est une maw'iza par laquelle tu dois réfléchir. Ce verset-là, tu peux le lire, tu ne trouves pas toutes les fawa'id que les ulama ont ramenées. Tu as le signe de la résurrection. Dans ce verset, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre l'eau et il en fait sortir de cette terre, il en fait sortir ce qu'il veut, même si la terre elle est morte. Allah Jalla wa'ala, wa ala kulli shayin qadir, wa al khaliq yaf'alu ma yasha, kayfa yasha, mata yasha. Il en a fait sortir quelque chose de vivant, il fait revivre quelque chose qui est mort. رزقا لكم حتى الكافر رزقا لكم. Allah vous en a fait une, des fruits là qui sont sortis de la terre, vous en a fait une subsistance. لكم يعني عام للمؤمنين والكفار والمشركين والظالمين والفاسقين كلهم حتى المنافقين رزقا لكم. Allah a dit, il a fait votre subsistance, une subsistance pour vous, pour tout le monde sur terre. Même celui qui ne croit pas en Allah, même celui qui associe à Allah, même l'hypocrite, même le mubtadi, l'innovateur, même le fasiq, celui qui commet les grands péchés, sans se repentir, il prend de ce risque-là. Sauf que l'obéissant, c'est un bien pour lui, sauf que le désobéissant, chaque chose qu'il prend de cette terre, c'est une preuve contre lui, yawm al-qiyam. Parce qu'en vérité, tant qu'il n'est pas dans l'ibada, il ne la mérite pas, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jalla a quand même cette miséricorde envers eux. C'est qu'il leur donne de quoi vivre et manger. Mais en vérité, cette chose-là, elle sera une preuve contre eux. Hujjatun alayhim yawm al-qiyam. ومن الفوائد on a ici l'interdiction de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Ce n'est pas pour rien si Allah azza wa jalla a mentionné la fin, dans la fin de ce verset, ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez tout ce qui a été dit avant. Vous savez très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé la terre et qui en a fait un lit pour vous. Vous savez très bien que c'est Allah azza wa jalla qui a créé les cieux, qui a créé cette pluie. Vous savez très bien que c'est lui qui l'a fait descendre cette pluie jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol. Vous savez très bien que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui a fait pénétrer l'eau dans cette terre et qui en a fait sortir des fruits. Vous savez très bien que c'est Allah tabaraka wa ta'ala de ses fruits qui vous en a donné une subsistance. Ça veut dire que vous savez très bien qu'Allah azza wa jalla, il est celui qui donne la subsistance. Donc si vous savez tout ça, vous n'avez pas à adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ahad min al-Quraysh, un parmi Quraysh, mais qui voulait rester sur Tawhid, bil fitra, alors que même le prophète n'était pas encore venu avec la révélation, il est venu, il leur a dit quoi? Il n'acceptait pas ça, le shirk qu'il voyait. Il leur a dit quoi? Comment vous vous associez à Allah, alors que c'est Allah qui a fait descendre cette pluie, qui en a fait sortir de l'herbe, et que la brebis a mangé de cette herbe-là, le lait de cette brebis, vous le buvez, et vous trouvez le moyen d'égorger cette bête pour un autre qu'Allah. Al-Fitra. La révélation n'est même pas descendue, mais il est resté à Al-Fitra. C'est quelqu'un qui raisonne. Il n'a même pas le Coran avec lui. Alors que les musulmans aujourd'hui, ils ont le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, entre leurs mains. Ils ont le tafsir entre leurs mains. Ils ont la sunna du prophète sallam entre leurs mains. Ils ont l'explication de cette sunna entre leurs mains. Wa ba'duhum yushirikuna billahi jalla wa ala. Et certains d'entre eux, ils font ash-shirku billahi azza wa jalla. Il n'y a pas besoin d'être un savant pour savoir que tu ne dois pas associer à Allah. Les plus savants sont les ulama. Les ulama connaissent toutes les formes de shirk. Mais normalement, quelqu'un qui est aqil, qui a la raison, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla lui a envoyé ce verset-là, afin qu'il médite sur ce verset-là, comment tu associes Allah Azza wa Jalla alors que c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a créé? Hein, comme Sahabi qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Saoud lui a dit, c'est quoi le plus grand des péchés? C'est que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Khalaqak. Rien que ça, c'est yakfi. C'est rien que cette parole est suffisante. Comment tu tournes ton adoration vers un autre, quelqu'un ne t'a même pas créé. Quelqu'un, il est une créature comme toi, subhanallah. Ils vont même plus loin parce qu'ils adorent des gens qui sont plus faibles que eux, ou des créatures plus faibles que eux. Comme le mayit, comme un mort, ou un arbre. L'arbre, il ne peut même pas marcher. Il ne peut pas prendre, il ne peut pas parler. Il n'entend pas. Alors que toi, tu entends, tu vois, tu prends. Lequel peut briser l'autre? C'est toi avec ta hache qui peut briser l'arbre ou c'est l'arbre qui peut te briser? Subhanallah. C'est toi avec ta hache qui coupe l'arbre. Tu es plus fort qu'un arbre. Et pourtant, il y a des gens qui adorent des arbres. Quand vous entendez le ulama, ils disent « Wala na'budu, wala al-djinn, wala al-malaika, wala ins, wala hajar, wala shajar ». Quelquefois, les gens ils sont étonnés d'entendre ce genre de paroles des savants. On n'adore ni un arbre ni une pierre. Parce que les gens disent, mais subhanallah, bien sûr, on ne va pas adorer un arbre et une pierre. Mais il y a des gens, comme disait Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, on est parti dans beaucoup de contrées, on a vu des formes de shirk, ajib. des gens qui adorent des arbres. Des arbres. Un arbre, il est adoré. Subhanallah. Un arbre, il est adoré. Il y a cette histoire d'une femme qui était sur une route comme ça. Et elle voulait faire ses besoins. Alors elle a fait ses besoins. Et il y a des gens qui sont arrivés à ce moment-là. Mais elle n'avait pas fini de recouvrir. Et elle a eu honte que les gens ils voient ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vite recouvert avec de la terre. Elle a vite recouvert ses besoins avec de la terre. Et ces voyageurs-là, quand ils sont passés, ils l'ont vu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont pris de la terre et ils ont fait la même chose. Ils ont couvert comme ça. Jusqu'à ce que c'est venu, min al-adat. Jusqu'à ce que quoi? C'est devenu une tradition. Et ils ont cru que cette femme-là, en vérité, elle est en train de recouvrir comme une tombe. Et qu'il y avait un mort. Hein? Et c'est devenu une tradition que les gens, à chaque fois qu'ils passent, ils mettent de la terre sur cette chose-là, qui eux pensent que c'est un saint qui est enterré là-dedans. Il n'y a même pas de mort. Et c'est devenu shirk billah, jusqu'à ce que tous les gens qui passent par ce chemin, à chaque fois qu'ils passent, hein, ils se recueillent devant cette chose-là, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, il avait promis que s'il avait de l'argent, il en ferait un édifice. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a touché de l'argent, c'est qu'il en a fait un édifice dessus, et il a fait un mausolée. Il n'y a même pas de mort. Il n'y a rien, il n'y a que des excréments en dessous. Regarde de quoi c'est parti. Shaitan, il a joué avec eux jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu saint pour les musharikines. Les gens, ils viennent, ils font un tawaf, ils font des du'as, ils font plein de dhabhou, ils égorgent pour un autre qu'Allah à cet endroit-là. Alors qu'il n'y a rien. À la base, c'est parti de quoi? Elle a fait ses excréments, elle a couvert. Et c'est tout. Elle n'a rien à voir là-dedans. Et les gens font du shirk à cet endroit-là. Subhanallah. Donc l'insan qui a la raison, il médite sur la création d'Allah, et plus il méditera sur la création d'Allah, plus il va s'apercevoir que, en vérité, le seul digne d'être adoré, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala seul. Hein? Bien sûr, il y a différentes manières de méditer. Quand on dit méditer sur la création d'Allah, c'est pas tout ce qui est que en dehors des djinns et des hommes. C'est aussi de méditer sur la création d'Allah, même les hommes. Quelqu'un qui a placé sa confiance sur quelqu'un d'autre, sur un homme semblable comme lui, et cet homme-là l'a trahi. Qu'il médite et qu'il se dise bien que la totale confiance est en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il fallait la placer. Or, lui, il a placé cette confiance envers cet homme-là, non pas en le considérant comme une cause, mais en lui donnant une place plus élevée. Et en le mettant à la place d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque cette personne-là l'a trahi, alors il a été déçu. Dans ce cas-là, il se doit de méditer, de dire, tawakkul, la parfaite confiance, elle n'est que sur Allah, jalla wa ala, que sur Allah, subhanahu wa ta'ala, et pas sur quelqu'un d'autre. Car Allah, azawajal, lui, ne trahit jamais le pacte qu'il passe avec sa création. Jamais. Allah, jalla wa ala, ne trahit jamais son pacte. La parole d'Allah, Allah Azzawajal, ne revient jamais sur sa parole. Pourquoi elle ne revient jamais sur sa parole? Parce que sa parole est parfaite. Quelqu'un qui revient sur sa parole, c'est qu'il a vu quoi? Il a vu qu'il y avait meilleur que ce qu'il avait décidé au début. Donc il s'est trompé. Ça marque une erreur, un manquement chez la personne. Ça marque un moment de jahl, d'ignorance. C'est qu'au début, il ne savait pas que cette chose-là était meilleure. Or, ça, Allah Azzawajal en est dénué de l'ignorance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'insan, il réfléchit et qu'il se dise bien que seul Allah tabaraka wa ta'ala, wahdahu la sharika la, seul sans rien lui associer, lui seul mérite l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al fawaid, إقامة الحجة. Il y a le fait qu'ici Allah Azza wa Jal donne la preuve à sa création. C'est pour ça que nous, quand on parle, on a besoin de preuves, aussi bien pour argumenter que lorsqu'on reçoit quelque chose, il nous faut une preuve. Parce qu'Allah Jalla wa'ala lui-même donne des preuves. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même donne des preuves dans sa parole. لماذا قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Cela est rapproché et raccroché au verset d'avant. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي خلقكم والذين من قبلكم إقامة الحجة على خلقه. Donc ici on a bien le fait qu'Allah Azza wa Jal établit une preuve sur l'obligation de l'adorer seul et de ne lui donner aucun associé. لا إله إلا الله. هذا الدليل على الشهادة. لا إله إلا الله. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه حجة حجة على خلقه على عباده سبحانه وتعالى من الله جل وعلا. Donc ici c'est bien la preuve. Allah Azza wa Jalla ici a donné une preuve. Hein? Adorez celui qui vous a créé vous et celui qui a créé ce qui était avant vous. Et il finit dans le verset, à la fin des versets, qui sont dans le même contexte, ne donnez aucun égal à Allah, wa antum ta'lamun, alors que vous savez. Dans tous ces versets-là que l'on vient de nommer là, Allah tabaraka wa ta'ala a montré at-tawhid ar-rububiyya, sa seigneurie. Il a argumenté Allah subhanahu wa ta'ala, iqamatul hujjah. Allah azza wa jalla ne s'est pas contenté de te dire de l'adorer, non, il t'a démontrer, l'argumenter Allah subhanahu wa ta'ala. Iqamatul hujja, il a ramené la preuve pourquoi il faut l'adorer, lui seul, et pourquoi il ne faut pas lui donner d'associé ou d'égal. C'est quoi cette preuve-là? C'est tout ce qui est entre le verset Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum hatta wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ici, tu as bien l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer, tu as la preuve pourquoi il faut l'adorer, hein, et pourquoi il ne faut pas lui associer quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.